Bonjour à tous et bienvenue sur Comic Stories pour le deuxième numéro du Comic Stories, le mag, notre nouvelle émission consacrée aux news comics en grande partie. Donc cette semaine, pas mal de news du côté des comics VF et VO. La question de la semaine reviendra sur celle qu'on vous a posée sur le site la semaine dernière, qui était à savoir VO ou VF du côté des comics. Et enfin, nous répondrons à deux personnes dans la mailbox. Je suis Mathieu et vous allez écouter le deuxième numéro de Comic Stories, le mag. Avec moi ce soir, Byron. Salut. Elvire. Salut. Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. On va commencer, encore une fois, un gros programme pour le mag. On va commencer avec les news du côté de la VF. Et Elvire, tu vas nous parler d'une excellente nouvelle. Oui, donc on avait même reçu les gens de Graph Comics dans le podcast. Et donc leur campagne sur Ulule a fonctionné puisqu'elle a été financée. Et même à plus de 140%, à 140%. Donc leur but c'était de récolter 8000 euros. Ils ont 11162 euros. Et pourquoi faire? Pour vous rappeler, donc leur projet était de nous proposer 4 comics différents. Donc on verra bien en chair et en os entre guillemets Next Gen, le Prince de Thémis, les nouveaux Argonautes et Bliss. Et donc voilà, c'est un projet qui sera gratuit. Et donc tous ceux qui ont contribué, parce que même la plus petite contribution de 5 euros, on a les magazines à domicile pendant 2 ans. Donc, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable, voilà, pour vraiment... Rien qu'en termes de frais de port, déjà, ils sont au-delà des 5 euros. Sur 2 ans. Oui, parce que c'est... En plus, moi, j'habite en Belgique, et c'est bon aussi pour la Belgique, oui, c'est vraiment ils expédiaient, partout. Voilà, ils pensaient aux Belges et aux Suisses, et ils expédiaient vraiment partout. Ouais. Il y a même aussi au Luxembourg, en Allemagne aussi, j'ai vu, pour les expatriés. Donc voilà, pour la Belgique, c'est pas donné les frais de port. Là, en Suisse, on n'en parlons pas. Et, donc voilà, juste ça pour 5 euros, donc c'est vraiment super. Et donc on attend maintenant la suite, mais... Voilà, donc tranquillement, ils vont se mettre au travail, faire imprimer, etc. Et puis surtout, voilà, avoir un financement large, c'est-à-dire pas s'arrêter à 100% ou à 102%, mais vraiment aller à 140% et récolter presque la moitié de plus par rapport à ce qu'ils avaient demandé. Ça va leur donner vraiment un gros coup de pouce vis-à-vis d'éventuels financeurs pour la suite. D'éventuelles personnes qui seraient intéressées et qui hésitaient à acheter des encarts publicitaires dans leur magazine. Voilà, ils savent déjà qu'ils partent avec une base de 500 personnes, je crois, ou à peu près 500 personnes, qui sont 598. Ouais, presque 600, c'est ça, 598, ouais. Voilà, il y a déjà 600 abonnés aux publications Graph Comics qui vont y recevoir chaque semaine. Sans compter les personnes qui vont être touchées dans les lycées, machin, etc. Donc déjà, quand on s'annonce vers des entreprises, des boîtes pour démarcher, pour avoir des annonces publicitaires, tout de suite on a un peu plus de poids quand on est soutenu par 600 personnes derrière, quoi, qui ont déjà investi dans le projet. Donc c'est vraiment très bien. Et ben, par contre, le pendant un peu négatif de cette histoire, c'est que il y a une affaire un peu, comment dire, scandaleuse qui a eu lieu sur My Major Company où des types un peu mal intentionnés ont carrément pompé la page de la campagne de Graph Comics, parce qu'on peut pas appeler ça autrement que du plagiat. C'est un copier-coller où on a adapté les choses par rapport à un projet qu'ils voulaient proposer, projet Lugdunum Edition. Faut savoir que Lugdunum, pour la petite histoire, c'était le nom rallongé des éditions Lug, à l'époque, qui éditaient déjà des comics. Donc voilà, ils ont été même jusque-là. Voilà, et ces mecs-là ont proposé un faux projet, un projet qui était ni plus ni moins qu'une arnaque. Les photos qui étaient empruntées venaient toutes de banques de données, de photos en ligne, enfin voilà, les photos soi-disant des mecs derrière le projet, voilà, c'est du faux, enfin c'était vraiment une arnaque très très mal ficelée. Et le pire dans tout ça, c'est pas que cette arnaque existe, enfin que des mecs pensent à faire cette arnaque, c'est que des mecs qui font cette arnaque réussissent à la mettre en ligne sur My Major Company. Voilà. Moi je trouve ça incroyable. qu'un site soi-disant sérieux et aussi important que My Major Company laisse passer ce genre de truc. Maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre, hein, puisque Fanny l'a annoncé sur Internet. My Major Company a réagi et va retirer la campagne. Ça doit être déjà fait, même à l'heure où on enregistre. Mais je trouve ça inadmissible qu'ils aient mis aussi longtemps à réagir déjà et qu'une telle chose ait pu passer, quoi. La moindre des choses, c'est quand même de se renseigner sur un projet avant de le proposer. Enfin, je sais pas. Bref, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. On va passer Byron à la checklist de Panini pour le mois d'avril 2015 qui a été diffusée. Qu'est-ce que tu as repéré d'intéressant là-dedans? On n'est pas obligé de tout dire, mais au moins les Bah choses les alors plus intéressantes. bah j'ai retenu déjà un Marvel Deluxe Avengers Assemble de Brian Michael Bendis et Mark Bagley, la collection Marvel Now qui va continuer à s'agrandir puisque on va avoir le tome New Avengers numéro 1 qui va sortir. C'est une série qui est écrite par Jonathan Hickman, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière d'ailleurs, et Steve Epting. On va avoir le Marvel Deluxe Age of Ultron, donc c'était l'event écrit par Brian Michael Bendis, Brian Hitch, Carlos Pacheco et Brandon Peterson. Je l'avais pas lu celui-là, mais Non, mais il bah, je sais profite clairement de pas. la sortie du film à une semaine près pour sortir ça qui n'a rien à voir avec le film, mais bon. Oui, voilà. Encore un Marvel Deluxe sur les Gardiens de la Galaxie. Ce sera le tome 2 et il est écrit par Dan Abnett, donc je pense que ça va quand même être plutôt pas mal, je pense. Après, il y a un truc que je pense que tu vas pas aimer, mais c'est la Marvel Anthologie Nous sommes les Avengers. Bon, je pense que il me semble que tu avais quelques soucis avec Quelques celle-là. griefs vis-à-vis de celui sur Spider-Man et X-Men, mais voilà, déjà là ils ont changé le nom, ils ont enfin donné un nom à la collection, c'est la collection Marvel Anthology, donc déjà c'est un premier pas en avant. Et puis s'ils font comme toutes leurs publications depuis le début de l'année et qu'ils chapitrent, qu'ils séparent les épisodes, au moins avec les couvertures ou quoi que ce soit, ça sera très bien, ça sera un super bouquin et je serai le premier à le conseiller, s'ils ont corrigé les erreurs. Ouais, bah je sais pas, moi je suis pas trop fan des anthologies, donc je pense que ça peut être bien, comme tu l'as dit, s'ils séparent les trucs, je pense que ça peut être cool, mais je suis pas un très grand client, parce que ben je préfère avoir Oui, parce des que histoires. en plus je trouve que c'est un peu cher et du coup t'as pas vraiment des histoires complètes, ouais, et du coup je préfère quand même avoir une histoire qui finit et qui a une fin, quoi, qui commence et qui a une fin. Et du coup et aussi côté kiosque, on va avoir la fin du prélude à l'event non le début du prélude pardon à l'event Spider-Man Age of Spider-Verse qui je sais plus si c'est actuellement ou Il se termine là. ouais il se termine aux États-Unis la fin voilà du prélude de la mort de Wolverine donc écrit par Bah, la mort de Wolverine sera écrite par Charles Soule. ouais voilà Charles Soule, celui qui a écrit She-Hulk C'est ça. et du coup bon après c'est du très classique quand Voilà. même. Enfin... Et ben en parlant classique, on peut souligner le retour du magazine Marvel Classic. Justement, le numéro 1 sortira le Ah ouais. 17 avril, voilà. Oh, en plus, il l'avait arrêté il n'y a pas très longtemps. Non, et du coup ça revient avec des vieux épisodes d'Avengers, voilà, et ben voilà, pas mal pour ce programme Panini pour le mois d'avril. Panini décidément a beaucoup communiqué cette semaine puisqu'ils ont annoncé leur programme pour les magazines Star Wars prévus en kiosque. Donc tout d'abord, on sait qu'on aura un magazine Star Wars Rebels, je sais pas comment on peut le dire, qui sera un mensuel destiné aux enfants. Avec un jouet à chaque numéro, des posters et des comics, donc Star Wars Rebels en exclusivité en France, premier numéro le 3 avril. On aura également Star Wars Insider, qui est un magazine à la grande réputation de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sera un bimestriel sur toute l'actualité Star Wars, l'univers étendu, hein, vraiment, on ne parlera pas que des films, on parlera aussi des romans, des séries et des comics, donc des dossiers, etc. Enfin voilà, ça sera donc un bimestriel qui sortira à partir du 21 avril pour le numéro 1. Et puis un troisième magazine qui sera Star Wars Lego. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ouais, bof. Et puis en fait, un mensuel qui sera donc dédié au Lego Star Wars avec à chaque fois des Lego en cadeau. Et c'est là où je me suis dit, oh merde, je vais me faire avoir. Et puis évidemment, on met le magazine Star Wars Comics avec les séries Star Wars et Darth Vader. Magazine qui sortira le 4 mai pour le fameux Star Wars Day. On a terminé avec les news VF marquantes pour cette semaine. On va vous faire maintenant une petite sélection de tout ce qui sort cette semaine. Je vais commencer avec deux titres qui sortent chez Delcourt. Tout d'abord, le tome 3 de Badass. Je vous avais parlé il y a un petit moment quand c'était sorti, les tomes 1 et 2. Ça fait au moins un an qu'on n'a pas eu de tome de Badass. Le tome 3 s'appelle Who's the Boss et il sort donc cette semaine chez Delcourt. Ainsi qu'un autre tome 3 qui est le tome 3 d'une série que j'aime beaucoup, qui est la série Clone. Tome 3 intitulé Troisième Génération, comme chaque tome de la série. On a eu première et deuxième génération, et maintenant on a troisième génération, toujours David Schuldner au scénario, Aaron Greenberg et Wade McIntyre, et puis au dessin, Juan Roserip, toujours lui, voilà, un dessin très sympa sur Clone. Donc ben voilà, troisième tome qui sort cette semaine. Byron, tu as repéré quelque chose d'autre, toi, cette semaine? Oui, Batman, tome 5, toujours écrit par Scott Snyder et au dessin par Greg Capullo. Batman tome 5, c'est quoi? C'est la deuxième partie, de Zero Year, qui est, alors ça va regrouper les épisodes 25 à 27 et 29 à 33, dans lequel, on va voir, justement, le dénouement, et on va voir comment, la fin de la première année de Bruce Wayne en tant que Batman. On va voir comment il va réussir à vaincre le Riddler qui a pris vraiment possession de Gotham. Alors j'entends déjà crier au spoil, mais c'est pas un spoil du tout. Hein. Si Batman existe toujours après, à l'époque actuelle, c'est qu'il a réussi à Zero Year, à se défaire du Riddler. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Oui, du coup. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était pas... C'est très inégal. Un bon arc, mais peut-être la fin m'a un peu déçu. Enfin, je trouvais que Snyder reprenait quand même beaucoup de Batman et du coup. C'était très long, comme disait Clément. C'est surtout le problème que j'avais. Ouais, c'était très long et je trouvais qu'il s'appropriait beaucoup de trucs et. C'est Snyder, hein. Honnêtement, quand tu suivais, moi j'ai lu cet arc en VO, c'est vraiment un arc sur plus d'un an, enfin un an voire plus. Ouais. C'est extrêmement long déjà et clairement pour le suivi de l'histoire comme il se doit, c'est juste enfer quoi. Par contre en TP quand on le lit un peu en groupé comme ça, ça passe très très bien. Ça passe bien parce que c'est vrai qu'après quand tu le lis en single, en VO, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vraiment, c'est beaucoup trop long un arc. De 12, 13, 14 numéros, quoi. C'est justement. Arnaud, cette semaine, un tome 4 d'une série que tu aimes beaucoup. Oui, Batwoman, tome 4, s'intitule Les liens du sang. Donc, après une petite pause dans le tome 3, où il y avait un team-up entre Batwoman entre Batwoman et Wonder Woman, là, on revient à l'intrigue principale de la série avec Batwoman, sa cousine Flamebird et sa petite amie Maggie Sawyer qui tentent d'arrêter le culte du crime. Ok. Elvire, toi, tu as retenu un tome 1. Oui, un tome 1 de la collection Indies de Urban. Donc, c'est Black Science. Et donc, en gros, le pitch, c'est un scientifique qui crée un artefact, le pilier, qui offre la possibilité de voyager à travers les dimensions. Mais comme dans tout problème, quand on voyage à travers des dimensions, il se retrouve piégé entre des dimensions de l'infiniverse. Et donc, ça suit les aventures, comment il arrive à s'en sortir à partir de là. Moi, j'ai retenu ça parce que j'ai compris que la nouvelle politique d'Urban sur les indies, c'était de baisser les prix. Donc là, il est à 10 euros. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément facile, surtout pour un tome 1, d'intéresser le plus grand nombre quand il n'y a pas des grands noms comme Batman ou autre. Donc, offrir du travail de qualité parce que vous pouvez voir les pages sur le site d'Urban, les dessins sont très jolis et sont très travaillés. Donc tout ça parce qu'il y a quand même 176 pages. 176 pages pour 10 euros, c'est très peu cher payé, donc c'est une très bonne politique d'Urban, je trouve. Oui, et puis un scénario de Rick Remender, donc qualité, et puis les dessins, tu en parlais, c'est Matteo Scalera donc, qui les signe, effectivement, la preview est assez, assez chouette. Et puis pour terminer cette sélection VF, un titre kiosque, Clément. Ouais, qui a souligné parce que c'est l'arrivée d'une nouvelle équipe créative, donc c'est Superman Saga 14, donc où on voit l'arrivée de James Jones et de John Romita Jr. sur Superman. Voilà, c'était un événement en VO à l'époque, donc voilà, c'est à souligner l'arrivée de cette équipe sur la série Superman, équipe qui fera de plutôt belles choses. Ah ouais. Ouais, pour l'instant c'est plutôt, Pour ouais, l'instant, c'est c'est vraiment plutôt plutôt cool. sympa. Ouais. Même si les dessins sont, enfin, je Ah trouve ben j'ai c'est un peu, pas ouais, terrible, c'est un peu même carré par moment au si, niveau ouais, des voilà, visages et ouais, tout. beaucoup trop carré en fait. Donc, Parce que le style est, en soi, il est pas mal quoi, mais beaucoup trop carré et moi c'est vraiment. les visages, j'ai vraiment du mal sur ces Ouais, visages, voilà. mais sinon voilà, le Geoff Jones nous propose une histoire assez sympa à suivre, c'est vraiment plaisant, donc très très bien. Et bien voilà, donc pour la sélection VF de cette semaine, on va passer maintenant, avant les news VO, à la question de la semaine que l'on vous posait sur le site, la question qui était tout simplement, êtes-vous plutôt lecteur VO ou plutôt lecteur VF? Et puis si oui, est-ce que vous aviez est-ce que c'était par préférence ou juste par contrainte? Première indication, je vais vous donner d'abord le score de vos réponses et puis après nous on en parlera entre nous. Vous êtes 60% à être lecteur VF. J'arrondis à l'appel, hein, vraiment. Un petit peu plus de 20% à être lecteur VO et puis le reste, c'est-à-dire 18% à être lecteur des deux, à la fois de la VO et à la fois de la VF. Et vous? Moi totalement VO, même si, Ouais. enfin non pas totalement, plutôt tout ce qui est mensuel je le suis en VO parce que bah, au début j'étais vraiment absolument en VF, mais bon comme j'arrivais à comprendre l'anglais et du coup c'était plutôt un bon moyen pour moi de continuer à progresser et donc d'avoir de meilleures notes, donc du coup je me suis dit autant tenter VO, et parce que surtout j'avais pas aussi envie d'attendre à chaque fois 8 mois ou 7 mois le temps pour que ça arrive en France, et du coup bah, chaque fois que t'écoutais par exemple un podcast ou quoi, ben tu sais, tu pouvais pas, tu devais toujours zapper parce que sinon tu te faisais spoiler, C'est ça. et du coup même niveau actu t'étais toujours en retard à la traîne ou quoi, et donc du coup c'était vraiment embêtant, Bah, donc j'ai sauté le pas. surtout maintenant Ouais. que l'actu va très vite à passer, l'actu VO, donc forcément. Ouais, voilà. Par exemple, tu voyais qu'il y avait un event, tu savais qu'il allait y avoir quelque chose de très, tu savais déjà à peu près ce qui allait se passer, donc ce que tu disais c'était Alors que toi, plus. t'étais encore coincé dans l'event d'avant, bah oui. Ouais, voilà, et c'était assez embêtant, donc du coup je m'y suis mis et je trouve que ben c'est un peu plus avantageux quand même, ben notamment au niveau des dates de publication, et en plus l'anglais en général il est assez simple encore, ça va. Enfin, ça dépend les séries, ça dépend les auteurs quand même. Je pense des fois avec Scott Snyder, au début j'avais un peu de mal parce que il utilise des mots un peu, quand t'es débutant c'est un peu difficile. Alors mais maintenant je pense que les quelques premiers mois c'est un peu difficile, mais alors du coup j'avais tout le temps mon dictionnaire à côté, mais maintenant ça va beaucoup mieux et je conseille vraiment à tout le monde de se mettre pourquoi pas à la VO si t'as vraiment, si comme moi ils ont marre d'avoir justement ce temps de latence entre les deux quoi. Est-ce qu'on a de parmi vous des personnes qui ne lisent que en VO ou que en VF? En VO. Clément, que en VO, donc jamais de VF. Sauf très rares exceptions vraiment quand j'ai la flemme d'acheter en VF, mais globalement, enfin, la VF c'est vraiment exceptionnel quand j'en achète. Là, on va dire 95% de ce que j'ai en commis, c'est de la VO. Et après, c'est à peu près les mêmes raisons que c'est pour Byron, même si moi, plus un rejet de la manière dont c'est publié en France. C'est-à-dire, enfin, j'aime pas moi quand c'est un titre, un grand titre qui rassemble plusieurs titres. Moi, enfin, j'ai jamais été trop fan de ça. Ok, Arnaud, toi, je crois que tu es par contre plus VF que VO, non? Oui, j'ai commencé avec la VF, et avant je lisais que de la VF, juste par un souci, non pas parce que je comprends pas l'anglais, mais c'est parce que tout simplement, je connaissais pas du tout les comics, et vu la qualité du travail éditorial d'Urban, et que je voulais commencer du DC, je me suis laissé tenter par les bouquins DC. Donc c'est vrai que pour les séries que j'ai commencé, genre Nightwing, Batman, Batwoman, tout ça, les séries que j'ai déjà commencé en VF, je les continue de les acheter en VF, mais je me tends de plus en plus vers la VO, et notamment pour les bouquins Marvel. Pour les Marvel, j'achète quasiment que de la VO, et de manière générale, j'essaie de lire de plus en plus de VO, et quand je lis des nouvelles séries, quand je commence les singles, forcément c'est pas traduit en VF, donc je lis en VO. Donc j'essaie de plus en plus de lire de la VO. Et la VF, c'était par souci de méconnaissance de l'univers. D'accord. Et toi, Elvire, alors, les quelques comics que tu lis, sont-ils plutôt VO ou plutôt VF? En fait, c'est un mixte. Quand je lis en digital, c'est en VO. Mais après, quand j'achète, un peu comme Arnaud, je suis tombée amoureuse de l'identité graphique d'Urban et de DC. Donc ma Batman, tout ce qui est Batman, j'ai acheté Batman Anthology, La Cour des Hiboux et tout ça c'est en VF parce que j'aime vraiment les bouquins. Par contre, The Walking Dead que j'achète aussi, ça c'est en VO. En TP. C'est aussi c'est aussi le prix. Ah bah oui. La VO coûte moins cher, mais après moi en Belgique j'ai la chance d'avoir 20% à la Fnac sur les comics, donc. Ce qui fait que c'est pour ça que j'achète aussi tout ce qui est Batman et Urban en VF. Au final, c'est pas forcément une question de feeling, c'est aussi une question de prix. Le prix compte beaucoup quand même dans les comics au bout d'un moment. Quand on veut des recueils, effectivement, les recueils en VO ont tendance à être moins chers, de par le format TPB tout simplement. Par contre, sur le côté des singles, ça revient beaucoup plus cher d'acheter des singles en VO plutôt que de prendre, même si effectivement Clément, le format de regrouper plusieurs séries dans un même magazine te rebute un peu. L'avantage que ça a, c'est qu'on a 5 séries différentes pour le prix d'un seul single en VO quasiment. Mais après, après ça dépend. Je pense que si tu achètes que de la VO et que tu fais parmi les deux, ça peut être équivalent. Après, ça dépend comment tu vois les choses. Disons que bon, je considère la VO, ça me permet de choisir ce que j'aime, alors que la VF peut avoir aussi pas mal de merde, quoi. Après, c'est une question de goût, c'est une question de préférence. Moi, je suis pas sûr. 2011, j'ai pas envie de changer pour le moment. Une fois que t'as quand même goûté à la VO, c'est quand même assez difficile de te remettre à la VF, quand même. Enfin, c'est sûr. C'est sûr. C'est quelque chose, c'est quelque chose à part. Mais après, oui, effectivement, c'est quand même autre chose. Aussi, je veux juste dire, l'avantage de la VF, c'est quand même, notamment au niveau relié, quoi. Je trouve qu'on a la qualité des éditions. Je prends par exemple le cas de Urban ou même maintenant, ce qui commence à se faire chez Panini. Je trouve que c'est plutôt, mettre ça dans une bibliothèque, c'est beaucoup plus joli qu'un TPB. Enfin, je pense, par exemple, il y a certains TPB, genre Nightwing, ils sont pas dans le format hardcover, donc dans du dur, quoi. Et du coup, je préfère, par exemple, les prendre chez Urban, comme, par exemple, Nightwing, Flash, il était pas, donc maintenant il va venir, mais donc je fais quand même une alternance, mais que faut quand même souligner que les bouquins VF, au niveau de l'édition et tout, ils sont quand même plutôt pas mal réussis, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, l'inconvénient de la VO, quand t'achètes des singles, tu mets pas ça dans une bibliothèque, quoi. Ah bah c'est sûr. L'autre inconvénient de la VF, on a le cas sur Hawkeye en français, par exemple, c'est la traduction. Ouais, voilà, c'est ça. On est vraiment dépendant de la traduction et on peut avoir des super traductions, comme c'est le cas chez Panini. Voilà, les traductions de Jeremy Manes, moi j'adore ces traductions. Enfin, c'est lui qui traduit Deadpool notamment, Rocket Raccoon, je crois que c'est lui aussi. Enfin voilà, il fait vraiment un super boulot. Mais après voilà, tout le monde n'a pas son talent et n'a pas sa qualité de traducteur. Et des fois, on tombe sur des trucs, c'est un peu à côté. Les blagues tombent à plat, les blagues sont mal adaptées. Enfin c'est voilà. C'est l'avantage de la VO, tu gardes l'essence même. Du texte, c'est sûr. Voilà, eh bien, on va arrêter là pour la question de la semaine. On a été assez long sur cette question. On va continuer la semaine prochaine à explorer un petit peu les habitudes de lecture de chacun. Et on vous posera la question. Vous pouvez d'ailleurs y répondre dès maintenant sur le site pour le mag de la semaine prochaine. La question, préférez-vous, justement, on en parlait avec Clément, le format kiosque ou le format librairie en ce qui concerne la VF et évidemment pourquoi. On va passer maintenant aux news en VO. Il y a pas mal d'annonces qui sont tombées cette semaine en VO. Je vais te laisser commencer, Arnaud, avec Marvel qui a révélé quelque chose qu'on n'attendait pas forcément dans les comics. Oui. Alors qu'on n'attendait pas dans les comics, oui, mais on pouvait s'en douter. C'est, alors, comme toujours, pour tous les films, il y a un prélude qui sort. Hein. Et Marvel a sorti un prélude d'Avengers Age of Ultron. Un prélude qui est un one shot sorti sur internet uniquement en digital. En digital, ouais. Et donc en fait on suit en fait le baron Von Strucker, et on découvre qu'en fait, Hydra, donc le baron Von Strucker, pour ceux qui connaissent pas les comics, c'est le personnage qu'on voit à la fin de, dans la scène post-générique de Winter Soldier. Et donc, on, dans cette scène, justement, on le voyait avec, on le voyait dans un labo secret avec le sceptre de Loki, et on voyait les jumeaux Scarlet Witch et Quicksilver. Et dans ce prélude, on découvre qu'en fait, le Hydra a confié au baron Von Strucker de faire des expériences à l'aide du sceptre sur des humains pour débloquer les pouvoirs qu'ils pourraient avoir. Et donc, certains meurent suite à ces, des conséquences de ces expériences, et ceux qui avaient des pouvoirs libèrent ces pouvoirs, en fait. Et donc, c'est une mythologie qui fait beaucoup rappeler aux Inhumains, que l'on, pour ceux qui suivent Agents of S.H.I.E.L.D., qu'on découvre dans, dans la saison 2. Donc, à demi-mot, Marvel révèle que Quicksilver et Scarlet Witch sont des Inhumains, contrairement aux comics où ils sont des mutants. Mais comme Marvel n'a pas le droit d'utiliser la mythologie des mutants, ni même le mot mutant, qui est interdit par Fox, ils ont trouvé cette parade de les faire devenir des Inhumains. Voilà. Donc bon, bah, on a eu la révélation. On n'aura pas à attendre les films pour savoir ça. On s'en doutait. Oui, enfin... oui, bien sûr, bien sûr. Pour ma part, j'ai retenu une énorme annonce, mais qui me fait un peu peur quand même. Alléluia, Bendis quitte les X-Men. Enfin, il va nous foutre la paix et peut-être qu'on va retrouver des bons X-Men. Il quittera la franchise X-Men complètement après le numéro de Uncanny X-Men qui sera renuméroté pour l'occasion en numéro Uncanny X-Men numéro 600. Voilà, donc Bendis sur les X-Men, bye bye. Par contre, la moins bonne nouvelle, c'est qu'on a appris que Bendis avait quand même re-signé chez Marvel pour un contrat d'exclusivité, donc il va forcément débarquer sur un autre titre. Pitié, pas les Inhumains. J'ai très très peur qu'ils prennent les Inhumains en main. Non. Depuis qu'il était annoncé qu'il partait des X-Men et qu'il allait arriver ailleurs, je me suis dit, oh non, il a fait les Avengers, il a fait les X-Men, il lui reste quoi? Du cosmique, des Inhumains? ou alors peut-être revenir sur les séries un peu liées à l'univers Netflix. Pourquoi pas, mais pitié, pas les Inhumains. C'est tout ce que je demande. Autre bonne nouvelle du côté de Marvel, qui a été annoncée en grande pompe cette semaine, Elvire. Oui, donc il y aura une série qui s'appellerait A-Force, qui sera 100% féminine. Enfin, même plus que 100% féminine, parce qu'il y aura que des héroïnes féminines à l'intérieur du comics, avec She-Hulk, Dazzler, Medusa, Nico, Minero, et un nouveau personnage, Singularity. Mais elle sera aussi 100% féminine derrière, on va dire, derrière le papier. Parce qu'au scénario, il y aura Willow Wilson, c'est ça? Ouais, J. Willow Wilson, ouais. J. Willow Wilson, qui est celle de Miss Marvel, il me semble aussi. Oui. Donc, excellent. Et au dessin, ce sera George Molina, Yorre Molina. Yorre Molina, ouais. Yorre Molina. Donc oui, comment dire, une équipe à 300% féminine, on va dire. Et donc voilà, donc on va bien voir. Ça se passe après Secret Wars, c'est ça? Ouais, c'est pendant, enfin, en même temps. Ou pendant en même du temps. Du coup, est-ce qu'ils vont pas les faire disparaître après Secret Wars? Oh, bah, c'est peut-être le temps de Secret Wars, et puis après on verra ce qu'elles deviennent. Si ça marche, elles resteront, et puis sinon. Voilà, c'est un moyen de tester. C'est déjà, on va dire, on va se contenter de ça. Non, mais c'est déjà pas mal, ouais, c'est pas mal. Puis c'est agréable de retrouver ne serait-ce que She-Hulk qui est un personnage. Oui, que en plus beaucoup, sur le poster qu'on peut voir, si vous allez sur le site Comic Story, vous pouvez voir le poster. Parce que là, j'ai cité que 3-4 noms, mais il y a l'air d'avoir pas mal d'héroïnes qui pourraient venir dans la série. Parce qu'il est rempli d'héroïnes Marvel, donc. Donc on peut espérer que ça sera pas juste. Oui, ça, le roster devrait évoluer, ouais. Oui. Donc voilà. Et puis Byron, la grosse annonce de la semaine est tombée vendredi, et c'est DC qui a levé le voile sur l'après-convergence. Oui, puisque sur les 52 nouvelles séries, on va en garder que 25. Il y aura 20 nouvelles séries régulières et 4 nouvelles mini-séries. Alors, parmi lesquels Batmite, écrit par Dan Jurgens, Bizarro, Harley Quinn Power Girl, et qui sera écrit par Jimmy Palmiotti, et on retrouvera Amanda Conner et Stéphane Roux. Et Section 8, et qui sera écrit par Garth Ennis. Voilà. On a également 20 nouvelles séries régulières qui vont commencer. Ouais, est-ce que tu en as retenu quelques-unes? On va pas faire la liste des 20, mais il y a des choses qui... Mais ben, le Batman Beyond par Dan Jurgens, parce que ben, c'est vraiment quelque chose que... Ben, avec le dessin animé et même la série qui était en numérique, elle était vraiment très réussie. Mm-hmm. Donc je suis vraiment content de le revoir. Justice League 3001, qui sera, je pense, ni plus ni moins que la suite. C'est ça, la suite, de 3000. Ouais, de 3000, qui est une série qui était vraiment plutôt cool et très très bien dessinée. Après, bien sûr, Red Hood et Arsenal, je pense quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Je pense que je me laisserai quand même tenter. Et bien sûr, après, Robin, Son of Batman, et We Are Robin, quand même, de Liber Mero. Ouais, rien que ça. Et de Carrie Rudolph, mais surtout pour Liber Mero quand même, et parce que Robin. Il y a eu quand même il y a quand même une grosse surprise, j'en parlais avec Mathieu il y a quelques jours, dans ces séries, c'est quand même l'annulation de Batman et Robin. Voilà, on aura plus de séries Batman et Robin, mais on gagne deux séries Robin. Donc... On gagne deux séries Robin, je pense, mais j'ai vu justement il y a pas longtemps un tweet de l'auteur, Peter Tomasi. Voilà, Peter Tomasi qui disait que il resterait dans l'univers Batman et qu'il y aurait des annonces à faire, donc je pense que il aura quand même encore un rôle à jouer là-dedans. On sait qu'il prépare quelque chose, hein, il nous l'avait dit à la PCE, Arnaud, si tu te rappelles, qu'il préparait quelque chose voilà dans l'univers, mais qu'il pouvait pas encore nous dire quoi. Donc. Enfin, moi, j'ai été déçu de voir qu'il gardait pas Batman et Robin, parce que je considère même que c'est quand même voire la meilleure série du Batverse, l'une des meilleures séries. En ce moment, oui, totalement. Ouais, mais après, voilà, là, on a l'arc avec le retour de Robin et le retour de Robin, nouvelle version, j'ai envie de dire. Robin, maintenant, de par sa nouvelle version, mérite une série à lui tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Damian mérite d'avoir une série à lui tout seul parce que maintenant il peut l'assumer. Enfin, il peut, voilà, il est aimé du public. Il a des caractéristiques qui font qui mérite une série et d'être détaché un peu de Batman. Donc c'est super agréable de le voir dans une série évoluer tout seul. Et puis c'est Pat Gleason qui va s'en occuper. Pat Gleason, il a travaillé avec Peter Tomasi sur Batman et Robin pendant tout le run. Donc pas scénario. Bon, bah on verra bien. Mais bon, verra bien. C'est pas parce que ses dessins étaient pas trop mal. Enfin, ça convenait bien. C'était magnifique. Ouais. Batman et Robin, donc moi j'attends, mais c'est surtout le We Are Robin avec scénarisé par Liber Mero, ouais. Quand même là, c'est... et à la rigueur peut-être Earth to Society, ça peut être pas mal, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, ils annoncent pour après Convergence, et d'un côté j'ai envie de dire enfin la fin des New 52, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, il y a une quelque chose de très intéressant qui a été dit, donc je ne sais plus par qui d'ici, ou d'un auteur, mais qui a dit qu'il préfère privilégier les bonnes histoires plutôt que la continuité. Ouais, enfin, c'est bien privilégier les bonnes histoires, mais il ne faut pas oublier la continuité non plus, quoi. Ouais, mais bon, d'un côté... Moi, quand j'entends ça, ça me fait un peu chier aussi, parce que tu te tapes pas, entre guillemets, tu ne te tapes pas des années de lecture pour que les mecs qui écrivent des histoires, enfin les Scott Snyder et compagnie, n'en aient rien à foutre, s'assoient sur ce qui se passe dans la série d'en face et n'en tiennent pas compte, et pour faire uniquement leur sauce parce que coucou, j'ai un ego surdimensionné. C'est bon, il arrive des choses au personnage, il faut en tenir compte, et ça fait aussi partie de la vie du personnage, et on passe pas dessus comme ça non plus, parce qu'à ce compte-là... Ouais, et je trouve que c'est un peu aussi... Je suis totalement d'accord avec toi, et je trouve ça un peu dommage, parce que justement, rebooter l'univers, c'était... À la base, c'était vraiment pour justement pour retrouver ça, une notion de cohérence, et du coup, là, c'est... Surtout que c'était quand même un univers qui, déjà, avant, là, était cohérent, sauf à deux, trois exceptions près, quand même, je pense que ils faisaient en sorte, quand même, que ce soit un minimum cohérent. Mais, enfin, là, je trouve que... D'un côté, ça peut être bien, mais... C'est vrai que la notion de continuité, il faut qu'elle soit respectée quand même, surtout que c'était vraiment le but principal des New 52, de pouvoir recommencer de faire sur le ménage, passé, ouais, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, là, ça va peut-être encore plus justement foutre le bordel, et du coup, ben, ça, je dis pas que ça a servi à rien, mais Donc bon, voilà, on va dans le bon sens sur plein de trucs. Effectivement, il y a plus de diversité, plus de choses nouvelles, des équipes créatives intéressantes qui vont arriver, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui sont quand même pas non plus hyper rassurantes. Voilà, quand je dis plus de diversité, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré, Dan Didio en tête, que voilà, ils voulaient maintenant que chaque personne puisse s'identifier à au moins un personnage dans l'univers DC et que personne ne soit laissé de côté. C'est entre guillemets aussi pour ça qu'ils font une série Midnighter qui est un personnage gay, puisqu'on a plus force avec Batwoman qui s'arrête, bah, on n'avait plus forcément ce personnage gay, donc voilà, on va retrouver Midnighter. Voilà, on a la série Black Canary, on aura une femme forte, enfin voilà, on aura plein de chaque personne normalement pourra s'identifier et se reconnaître dans un comics ou dans un personnage. Voilà, c'est le souhait de Dan Didio. J'ai envie de dire, il était temps et en même temps c'est un peu argument. Ben, c'est Tu pas fais plus pas mal. un comics Ouais, voilà, pour toucher une c'est. cible, enfin tu fais pas, enfin je sais pas, tu Pour fais un comics pour écrire une histoire, tu fais pas un comics pour que les blacks ils soient contents parce qu'ils ont leur personnage, ils peuvent se reconnaître, pour que les gays leur personnage ils pourront se reconnaître, enfin là aussi on Ouais, va un peu à c'est l'envers je trouve, mais bon. vrai. Mais après, c'est pas plus mal, mais j'espère que. Parce que, à faire des séries vraiment un peu indé comme ça, je pense pas, par exemple, qu'un titre comme Cyborg va durer très longtemps. Enfin, c'est vraiment des trucs, après. Bah, Cyborg il a son titre pour le film, hein. Dans la liste, quand même, je me dis, il y a quand même, il y a quand même pas mal de numéros qui, s'ils en tiennent 6, ce sera déjà pas mal, quoi. Je Enfin. pense que les 25 séries qu'ils ont gardées, là, les 25 séries de l'ancien univers qu'ils ont Ouais. conservées, c'est des séries qui resteront. Et Ouais, je que pense les que 20 c'est. nouvelles, voilà, ça va être dans celles-là qu'on va faire le ménage régulièrement. Ouais, Ouais, sûrement. c'est. Encore D'ailleurs, que Lobo, Secret Six et Green Sinestro. Arrow, Hein. Oui, le Green scénariste, là, Arrow. et du coup, j'ai repris un peu espoir, parce que Oui. le scénariste, c'est plus le même, donc Voilà, il y a un celui qui changement de fait la... scénariste. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais il y a un changement du Après, côté de Green bon, Arrow. ouais, au dessin, par contre, c'est vrai que c'était le même, je crois que c'était le même que... Je sais pas. Et le nouvel Voilà. univers a un nom ou pas? Non. Enfin, on sait que le Free Comic Book Day, donc du mois de mai, là, qui sera un des premiers titres sortis après Convergence, s'appellera Divergence. Oh, Quelle c'est original. imagination, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, je ne pense pas que ça soit la tagline après, hein, mais non, il n'y a pas de nom à cet Espérons univers. pas. Bye bye les New 52, enfin voilà, ce sera univers DC, point, je pense. Les New 50, je ne sais pas combien. Non, il n'y a pas de New, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sous-titres comme ça, je pense. Non, ils vont retirer le Bon, c'est macaron. très bien. Arnaud Elvire, vous avez plutôt peu entendu sur cette news, des réactions ou ça peut Non, être, non, rien. ça peut être ou pas. Bah, le souci, c'est que sur les nouvelles séries, on ne sait pas grand-chose. Oui, bon, on Par la exemple, We découvrira Are ça. Robin, d'accord, mais de quoi ça va parler? Donc, je sais pas, on verra. Bah, d'après le visuel, quand même, ça a pas l'air. Enfin, j'ai l'impression que c'était Robin qu'on connaît pas trop. Enfin, Bah en fait c'est des les gens mecs qui de vont la rue, on dirait. s'emparer du symbole de Robin, je pense, Ouais, voilà. pour rendre la justice, je pense, un truc comme ça. Après, ça dépendra des personnages pour voir si c'est intéressant ou pas. De toute façon, moi je m'en fous, c'est Liber Oui, on le lira quand même, c'est sûr. Voilà. Ah si, j'ai un truc à dire. Ce sera un bon point d'entrée Eh bah pour je les pense, Padawan. oui, je pense. Parce qu'on repart à... Enfin, je sais Je pas si on pense repart totalement à zéro, que mais ce non, on sera des partira pas 1, totalement à donc... zéro, mais je pense que voilà, il y a des séries comme Black Canary, comme peut-être même la Justice League of America par Brian Hitch. Voilà, on sait qu'il bosse dessus depuis 2 ans, donc il prépare, voilà, il a bien préparé son affaire. Il y a pas mal de séries, je pense, ouais, qui pourront être accessibles aux nouveaux lecteurs, aux néophytes. Oui, ça va être une bonne porte d'entrée. Bon, voilà, on a était un petit peu plus long que prévu sur les news VO. On va passer vite, vite, vite à la sélection parmi les sorties VO de cette semaine, simplement pour vous citer quelques titres et au moins les équipes créatives qui sont derrière, et puis on passe à la suite. Elvire, tu as retenu un numéro particulier? Oui, un spécial Valentine's Day de Harley Quinn. Au départ, je pensais, quand j'ai vu ça, j'ai fait encore, il y a une fille, on va mettre la Saint-Valentin, cliché. Mais quand on lit le résumé et quand on lit le comics, on voit que c'est assez drôle. En fait, il y a une espèce de vente aux enchères dans lequel un des prix, c'est une nuit avec Bruce Wayne. Et c'est Harley Quinn qui donne le plus d'argent. Et le speech de ce numéro, en fait, c'est est-ce que Bruce peut passer une nuit avec Harley Quinn sans qu'elle sache comment il occupe ses nuits? Voilà. Donc sans qu'elle découvre le secret. Il y a moyen que ce soit très rigolo. Donc oui, malgré le nom, oui. Je vais vous signaler pour ma part la sortie de Empty, le numéro 1 de cette nouvelle série Image, encore une nouvelle série Image qui démarre, avec Jimmy Robinson au scénario et au dessin également. Il fait aussi la couverture, comme ça on est complet. Un numéro qui coûtera 3,50$, une série a priori de science-fiction. Voilà. On vous en reparlera peut-être une fois le premier numéro sorti. Voilà, c'est assez cryptique au niveau de la sollicitation, donc voilà, sachez juste qu'il y a une nouvelle série qui démarre chez Image. Arnaud, tu vas nous parler d'un TPB, toi. Oui, Starlight, de Mark Millar, Goran Parloff et John Cassaday, donc qui sort chez Image Comics mercredi. En fait, c'est l'histoire de Duke McQueen, qui est un super-héros cosmique qui a sauvé l'univers. Et il rentre chez... Finalement, il abandonne sa cape, on va dire. Il rentre chez lui, il se marie, il a des enfants, il vieillit. Et 40 ans plus tard, bah, ses enfants sont partis, sa femme est morte. Donc il est tout seul avec ses souvenirs, jusqu'à ce qu'il reçoit une sorte d'appel d'un monde éloigné qui lui demande de revenir au combat pour une dernière aventure. Byron, toi, tu vas nous parler d'une nouvelle série dans l'univers Star Wars. Oui, puisque ce sera Darth Vader. C'est une série donc écrite par Kieron Gillen et qui sera dessinée par Salvador Larroca. Et bah du coup elle coûtera $5 et donc du coup ben c'est le Dark Vador comme on connaît, et une série là-dessus. Je suis pas trop renseigné, mais ça a l'air d'être somme toute très si classique quoi. Oui, si c'est aussi sympa que la série principale Star Wars, pourquoi pas. Pourquoi pas. Clément, pour terminer, un recueil que tu as mis dans ta liste. Oui, c'est moi qui a sorti le premier volume de Rocket Raccoon avec donc le premier arc de Chase Lintail. Voilà, bon. Donc il sort en hardcover. En hardcover. Et est-ce que tu as le prix sous les yeux ou pas? Oui, c'est donc là sur Victoray, au prix apparemment à $25. Ouais, $25, c'est ça, c'est les prix des hardcovers Marvel, non? Ok, rapidement, sachez aussi que cette semaine, mercredi, sortira le numéro 5 de Thor, le numéro 137 de Walking Dead et le Divinity numéro 1 chez Valiant, et puis deux TPB, Secret Origins, TPB numéro 1 chez DC Comics, donc qui va revenir sur les origines secrètes de pas mal de personnages de l'univers DC, donc ça peut être intéressant pour les néophytes, et puis le TPB volume 1 de Trees, la série de Warren Ellis chez Image. On avait prévu de vous parler dans le comics de la semaine de Marvel Ant-Man, le prélude, et ben on va attendre un petit peu, on vous en parlera plus tard quand le numéro 2 sera sorti et qu'on aura tout ça au complet, également parce qu'on est quand même pas mal à la bourre sur cette émission. On va passer directement à la mailbox, on doit répondre à deux personnes, tout d'abord à Zorg, qui nous a laissé quelques commentaires et qui a réagi à l'annonce de la nouvelle formule des podcasts et qui a trouvé excellent le retour du coin des Padawan. Et qui nous dit que ce sera l'occasion de rebooter l'émission manquante. Effectivement, l'émission manquante, c'est l'émission où trouver ses comics. Et bien sache que tu la retrouveras dès samedi. Et puis, ben, merci à toi pour ta fidélité, puisque dans la suite des commentaires, de la petite discussion qu'on a eue, tu nous as dit que tu étais parmi les personnes qui avaient téléchargé dans la tout premier podcast il y a un an et demi maintenant, et que depuis tu nous suis. Donc c'est merci à toi vraiment. Et puis Sylvain, et encore Sylvain comme la semaine dernière, nous a laissé un long message, un long commentaire sur le site, sur l'article du mag numéro 1. On va pas vous lire entièrement le commentaire, vous irez le lire si ça vous intéresse. Il y a notamment son avis sur Agents of S.H.I.E.L.D. Il y a un point de vue super intéressant sur l'opposition entre Marvel et DC. Et puis sur la caricature geek également. C'était l'occasion pour lui de nous demander ce que nous faisions dans la vie, puisque effectivement on ne fait pas qu'enregistrer des podcasts et lire des comics, on a d'autres occupations, donc je n'étais pas du tout opposé au fait de répondre à cette question. Qui commence? Pour en même temps, vous êtes pour la plupart tous la même chose en fait. Puisque Clément, Arnaud et Elvire, tous les trois, vous êtes étudiants? Oui. Tout simplement. Le premier en droit, l'autre en cinéma, et Elvire en criminologie, c'est ça? Et ouais, c'est ça. Ouais, elle est en criminologie. Byron, tu es le Benjamin de l'équipe, donc tu n'es pas encore étudiant, toi? Non, moi je suis encore au lycée, je suis en terminale. Voilà. Donc, et puis pour ma part, bah, je suis un petit peu le doyen, n'est-ce pas? Et moi je travaille dans un accueil de loisirs, je travaille avec les enfants, je suis directeur d'accueil de loisirs, voilà tout simplement. Voilà, donc je suis loin du cliché geek dont tu pouvais parler, Sylvain. Si, pour terminer sur la réponse à Sylvain, petit clin d'œil également à la fille de Sylvain de 14 ans qui a été très surprise de voir que nous avons répondu à son papa dans le podcast. Eh bien voilà, on te répond à toi aussi et lis un petit peu ce qu'il y a dans la bibliothèque de papa, tu verras, c'est super cool. Allez, on va arrêter l'émission ici. Merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires et des mails. Donc n'hésitez pas à nous écrire à redac@comicstories.fr ou alors par commentaire sur le site, sur Twitter, sur Facebook. Voilà, on vous répondra dans la mailbox de la semaine prochaine. On se laisse pour ce soir. On se donne rendez-vous jeudi avec la deuxième émission de Sur nos écrans, l'actu ciné télé, le débrief de la semaine qui sera consacré à Arrow. On se retrouve également samedi pour la Padawan édition numéro 2 et on répondra, comme on vient de le dire, à la question où trouver ces comics. Et puis mardi prochain, troisième numéro du mag. Bonne soirée, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.